Eh bien, il y avait une tentative d'essayer de rematérialiser la poésie et donc le langage à travers la poésie sonore, la poésie visuelle, qui, l'une comme l'autre, entendait effectivement rematérialiser le langage. Donc, So I mean, of course, it's an old philosophical attitude. We often find that language is the least materialized of things. However, it's interesting to contrast this idea with what was happening with sound poetry or experimental poetry, also from the Dada period, that they were actually trying to materialize language with. Yeah, well, I mean, that kind of goes without saying. I mean, that wasn't what we were... Cela va sans se dire. That's not what we were talking about. C'était pas de ça qu'on parlait. But we, non, je dis qu'à la même époque, il y avait des choses qui allaient dans le sens aussi du matérialisme. Et bien sûr, pour l'instant, j'en suis resté à la thèse de Lucie en tant que telle. Il est évident que la thèse de Lucie ne concernait pas la poésie sonore, la poésie visuelle, mais... Au contraire, elle concernait effectivement une tentative, mais qui était critiquable, à mon sens, au niveau de l'utilisation du langage, en niant la dimension matérielle du langage. De même pour ce qui est de la photographie, l'utilisation de la photographie se fait à travers l'idéologie de la transparence du médium, l'idéologie qui a eu des conséquences catastrophiques au niveau de la photographie, à mon sens. Donc, dans un cas comme dans l'autre, à mon avis, c'est par rapport aux deux médias principaux utilisés par l'art conceptuel, que ce soit le langage ou la photographie, c'était à l'encontre des propriétés tant du langage que de la photographie, ou à travers des conceptions très marquées et à mon avis déplorables de la photographie et du langage. Okay, so yes, also in the case of photography too, some of the assumptions that it was are based that it's actually there's some kind of a transparency of the medium that Jean-Claude sees as a disastrous assumption, and so with the theme of both language and photography, the two instruments that we often use in conceptual art. Well, one thing about photography in the art world at that point is photography wasn't yet considered an art, and you have to remember that, because using photography at that moment was considered as using something that wasn't art, that wasn't a means of making art as such, because photography was considered a whole different field. I mean, and since then we've deconstructed photography with a vengeance, and we know that photography isn't true and so forth, and conceptualists weren't saying it was. There was a sort of parallel with the new topographics at that point, which neither one were looking at each other. I mean, the new topographic people didn't look at conceptualists because they weren't photographers. Conceptualists didn't look at the new topographics because they were photographers. And so it was and then, by the end of the decade, by the end of the 70s, photography was, a serious subject for criticism and so on. But at the time, it was considered almost popular culture. Donc il faut situer ça historiquement qu'au fait, à l'époque, dans les années 60, la photographie n'était pas considérée une forme d'art, et que aussi que les artistes conceptuels ne pensaient pas que la photographie représente la réalité. Ensuite, il y a eu beaucoup de travail sur la déconstruction de la photographie, ils n'étaient pas si naïfs que ça, et que c'était aussi intéressant de voir qu'il y avait des tendances différentes. Il y avait les soi-disant new topographics qui travaillaient beaucoup avec le texte, et par contre les new topographics, au fait, ils ignoraient ou ils ne voulaient pas rien avoir avec les gens de l'art conceptuel. 1970, je traduis seulement. Donc, ils ne voulaient pas regarder à ce que faisait l'art conceptuel, parce qu'eux, ils étaient plutôt avec la photographie. Et par contre, les gens de la photographie, ils ne voulaient pas regarder aux new topographics. Yes, Lucy. Well, one other thing about the dematerialization is when John Chandler and I wrote that article in 1967, which was published in 68, we said it was the two ways that we saw this conceptual art going, which wasn't called conceptual art yet. We called it ultra-conceptual art because it seemed so cerebral, but was idea and action. So it wasn't, in a way, the dematerialization wasn't about the materials so much as it was about moving away from connoisseurship, anything that could be, dragged back into the fine art system. Action, I mean, I know that a lot of what you all are doing really falls under a dematerialized term, and I know language is material and so forth, but when you're, we were talking about your arts the other night, that would fall under the action part of it, or the idea of meshed with action or whatever, mm-hmm. which is dematerialized in terms of the object and only in terms of the object. I mean, once you take dematerialization further, you don't, you know, you can take it apart as a possibility for an art context. Je peux juste traduire avant que j'oublie. Oui, d'accord. Pardon. Alors, quand Lucy Lepard a écrit en 67 le texte de sa dématérialisation de l'œuvre d'art avec John Chandler, au fait, elle a parlé de conceptual art, mais aussi elle a utilisé le mot ultra-conceptual art, qui pour elle, c'était très important de parler du mélange de l'idée et de l'action. Et ça, c'était l'idée, c'était lié avec un désir de moins se préoccuper avec la question de est-ce que c'est matériel ou pas, mais au fait de sortir de l'attitude d'être un connaisseur, de cette idée de ce qu'était l'art avant avec les connaisseurs donc de pousser vers le côté de l'action, ce qu'elle a vu aussi un peu pas mal avec les artistes qu'elle a rencontrés récemment ici à Paris, avec nos approches. Voilà. I was putting it very badly. You did a good job of making something. No, I left out some of the points. That's fine. Unfortunately. That's fine. Oui, enfin, l'action reste le même matériel. Hein, c'est-à-dire l'action n'est pas dématérialisée. Et c'était pas l'idée de évidemment. C'était moins, you said less of dematerialization in terms of the object than. Est-ce que c'est pas aussi une tentative d'essayer de faire en sorte d'enlever la fétichisation de l'objet, enfin de casser cette fétichisation de l'objet d'art. Ça me semble être un progrès ou en tout cas une volonté de court-circuiter la plus-value qui peut être faite sur l'objet artistique. Je voulais justement y venir. The idea was also maybe to take away the fetishization of the object and to eliminate the surplus value that an artwork idea, can have. Yes. Oui, je dois dire, rapidement avant, Weiner lui-même rapidement a retrouvé sur ses pas effectivement la matérialisation de l'inscription langagière, ces inscriptions, ces œuvres n'étaient pas réalisées ou ont été rarement réalisées, il n'en doit pas moins qu'une espèce de que l'inscription elle-même a pris de plus en plus une matérialité et même s'est esthétisée de plus en plus pour un art qui en principe entendait rejeter toute esthétisation, tout art esthétique. Même les gaz inertes de Herbert Berry, les gaz inertes c'est quand même quelque chose de matériel, c'est pas quelque chose d'immatériel. Donc tout ça pour dire que pour aller dans le sens de ce que disait Yann à l'instant. Je pense que, encore une fois, les idées de Lucy Lepard à l'époque ont été extrêmement importantes, mais aujourd'hui je tendrais à substituer au terme de dématérialisation une autre notion qui est en rapport avec la notion introduite historiquement par Lukács de réification. Justement, non pas même le fait simplement de déréifier, mais de tenter, je dirais simplement tenter de, parce que je pense que le résultat n'est pas là non plus, de tenter une déréification. C'est-à-dire de tenter de s'opposer à la réification, au sens où le cas chien, c'est la réification pas seulement de devenir objet, ce qui pourrait rapporter, mais aussi de devenir marchandise, de devenir culture, au sens d'Adorno, de devenir spectacle, voire devenir entertainment, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se débarrasser de ces traces derrière soi, enfin les traces qu'on peut laisser, les traces Attends, qu'on ça, peut laisser. Ça, on va y venir, toi, tu vas très vite, tu as tout de suite tout compris, tu vas très vite en besogne, mais j'essaie d'être. So Jean-Claude spoke about fetishization, that actually, you know, inscription somehow also participated with some sort of an aesthetization. Robert Berry's gas work, mm-hmm. inert gas, is not at all actually dematerialized, mm-hmm. as where you can really say it's an object. And what he would like to do today, perhaps, although the word dematerialization was very interesting at the period, would mm-hmm. now to sort of adopt the Lukács mm-hmm. idea of a reification and talk about de-reification, and where de-reification would be attempt to get away from the object, not only, but also to get away from merchandise, or get away from culture. Donc moi, je veux parler plutôt qu'une dématérialisation, d'une tentative, une tentative seulement, encore une fois, qui pour moi a échoué. Mais une tentative qui a effectivement réellement été tentée, d'échapper à la réification, encore une fois, d'échapper à la marchandisation, etc. Bon. Même si, effectivement, pour moi, il y a eu échec, là aussi. Cet échec n'est pas le même que l'échec dont on a parlé en début d'émission, du modernisme ou d'avant-gardisme, mais là aussi, il y a eu échec de cette tentative d'échapper à la réification. Puisque, effectivement, je ne sais pas si Yann veut intervenir dans tel, Yann a commencé à en parler. Une des façons, je te laisse intervenir si tu veux. Vas-y. Je t'écoute et je tiens à Yann parlait des traces, effectivement. Comment est-ce qu'on peut échapper justement à une plus-value? Alors si c'est pas parce que effectivement, bon, dématérialisation, la société de services capitaliste aujourd'hui qu'on nous met en avant, effectivement, on peut parler d'une société de services qui génère de la plus-value, qui génère de l'exploitation, qui génère et toujours sous des formes immatérielles. Mais quelle alternative est-ce qu'on peut trouver? Donc ce serait, pour moi, c'est la question de la restauration de la critique dans le monde de l'art. Ce serait de savoir un peu comment est-ce que, à mon avis, on ne peut pas échapper à le système capitaliste et à une capacité d'absorption de toute contestation ou de toute volonté de contestation qui est très forte. Donc, comment est-ce que est-ce qu'il faut s'arrêter, renoncer à l'art ou renoncer à produire de l'art? Est-ce que c'est ça l'alternative? Il y a-t-il récupération? Il faut que chaque fois que quelqu'un fait une intervention en français, il faut que je traduise en anglais. D'accord. Alors, so Yann was also referring to these. This problem that Jean-Claude was referring to, say, okay, if there has been a defeat of the attempt to de-reify object and to de-reify the situation with regard to spectacle, we see this today. The capitalist economy works with the service economy, where we have immaterial goods that are being sold. And to get back to the issue of the radio show, which is restoring critique in the world of art, the question is if we were to do this, how can we get away from capitalism's ability to co-opt any kind of opposition? What should we do? Should we stop doing art? Well, I mean, I don't care what it's called, frankly. I mean, I'm not dematerialization is not collé à moi. I mean, it's a little décollé. C'est pas ça le problème. Le problème est de discuter d'une notion qui est importante sans la coller du tout à vous. Mais la notion reste une notion importante qui est dans toutes les histoires de l'art, etc. Donc c'est une notion qui, c'est pas pour autant, c'est pas une critique que je vous fais. C'est une notion importante qu'il s'agit de revoir. À mon avis, il s'agit de la retransformer, c'est pas de la transformer ce que j'ai proposé donc en effectivement, ce que j'ai appelé tentative d'échapper à la réification. But I think that's a fine term, and that, well, let's use that term then. But I think what Yann is saying. Mais je partais même de ce que vous avez dit. Alors, elle pense que c'est un bon terme, et nous pouvons bien l'utiliser. I don't care what we call it. Elle s'en moque comment on l'appelle, le terme. C'est pas un problème d'appellation, simplement. Le concept n'est pas le même. Là, je suis pas d'accord. Il faut bien distinguer entre un changement d'appellation et un changement de concept. C'est pas le même concept. So Jean-Claude, c'est pas une appellation différente. To make a distinction between a change in the denomination and a change of concept. Well, for him, concept is tout à fait différent. It's a different concept. Tout à fait différent. But I think what Yann was saying is really what's important now. Okay, what next? I mean, are we somebody brought up the other night? Are we redefining art? And if what's the point of redefining art? It's just another semantic play. I mean, you know, if we're going to either have art or we're not going to have art, anything that answers to that definition at all, which seems to me kind of silly, because I think there's always going to be something or other that we're doing. We're sitting here talking about it, and it's still going on, and you're making it, and you're making it, and so on. So maybe you two should talk a little about what... Donc Lucie disait que l'autre soir on a parlé de redéfinir l'art, mais au fait c'est un jeu sémantique. Redéfinir l'art, c'est une idée. Oui, oui. Donc elle aurait préféré que moi et Yann, au fait que nous on discute sur... Oui, parce que vous êtes un artiste. Sur ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire. Tout à fait. Là on ne cherche pas à redéfinir l'art. Il ne faut surtout pas redéfinir l'art. Redéfinir l'art, ça ne sert strictement à rien. Yann, Michel. Moi, la question de l'objet n'est pas un problème. Enfin, j'ai besoin de mes vêtements, j'ai besoin de mon pantalon, j'ai besoin de la table, oui, et du micro pour me parler, de la technique qu'il y a derrière. Et donc, du coup, il faut continuer à produire, c'est évident. Ensuite, moi, je pense que bon, maintenant, on vit dans un système capitaliste et il faut faire avec les contraintes qu'il y a et tenter, évidemment, et par un positionnement et repositionnement tactique, parce que c'est le sujet de maîtrise que j'ai soutenu avec Jean-Claude Moineau. Moi, j'ai travaillé sur cette question-là. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement comment est-ce que quelles propositions les artistes peuvent fournir, quelles réponses ils peuvent donner, mais une réponse tactique. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéressait, c'était à partir de ma position de salarié. Bon, je vais parler un petit peu rapidement de ma pratique pour qu'on comprenne un peu d'où je parle. Moi, je développe depuis plusieurs années une pratique à partir de ma position de salarié. Et donc je suis un artiste précaire au travail, et je détourne mon contexte de travail à des fins artistiques. Ma pratique se construit à la fois par un travail de documentation sur mes conditions de travail, parce que il y a, me semble-t-il, très peu d'images ou je sais pas de travail qui a été fourni sur les conditions réelles de travail. Et par les intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire par les salariés, et que ce soit pas une ingérence, une ingérence d'une caméra ou sur et un positionnement sur les salariés, mais que ce soit quelque chose qui émerge de l'intérieur et donner un point de vue de l'intérieur. Et ça, je pense que c'était propre aussi aux féministes, c'était justement de mettre en place publique ce qui était caché, ce qui n'était pas rendu visible. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire émerger... Bon, évidemment, je suis très attaché aux pratiques anarcho-syndicalistes et à cette idée de réappropriation des moyens de production, une réappropriation de sous forme autogestionnaire, sous forme... c'est ce qui constitue ma pratique politique, et c'est ce qui... Voilà, bon, et donc du coup j'essaie de travailler là-dessus, c'est-à-dire de faire émerger de l'intérieur et rendre ça visible. D'accord. Et pour moi, l'objet. For Yann, the question is what can actually artists do from where they are tactically, and so he's working with his position as a actually precariously employed employee. And how can he subvert his workplace? I mean, what would be possible for him to do? And one of the points, one of the activities he's developed is to expose work conditions, to give a point of view from within, mm-hmm. not a point of view from without. And for him, that's something also which is in common with the feminist approaches from the 70s, which is to make public that which was hidden. I got that point. Mais je propose que Yann, on va peut-être faire une nouvelle pause, et après cette pause, vous nous décriviez exactement en quoi consiste votre travail. D'accord ? Très bien. Vous êtes sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. N'hésitez pas à nous appeler au 01 43 71 89 40. ACDC, B52, CD, DS21, EPO, FM, GIA, HESS, IGN, JO, K2000, LSD25, MP3, NTSC, OGM, PDA, QHS, RG, SF, THX 1138, URSS, VVM, WJNX50, XLR, YC, 0DB. We'll be right back. Voilà, alors c'était la, les reprises de... Oui, je vous ouvre les micros, effectivement. Merci. Donc, Denis, qu'est-ce qu'on a écouté? Alors, on a écouté Uri Geller, Michel Chevalier, Carsten Gaines, et puis suivi de James... C'est aussi James David Aslar. Ah, voilà, c'est ça. Et Mario Mensch, et l'autre groupe, c'est Michel. Schumacher. Bon, voilà. Voilà. Donc, c'était au fait les groupes qu'on avait entendus avant, c'était la phase B. D'accord. C'était entrecoupé... Du 45 tours. C'était entrecoupé de petits jingles et génériques imaginaires. Très bien. Sorti sur le label PPT, édition PPT. D'accord. Donc, une tralala, un archive vaincra. Voilà, PPT. Super. Donc, nous sommes toujours sur Radio Libertaire, 89.4, la voix de la Fédération anarchiste. Il est maintenant 21h20. Avec en plateau Lucie Lippart, Claude Moineau et bien deux personnes du collectif... Target Auto No Pop, je vais y arriver, Michel Chevalier et Jérôme Guig, et ainsi que Yann M. Non, Yann Middelbos Métric. Voilà. Et donc, oui, nous, juste avant la pause, Yann, on vous a demandé, pourriez-vous faire une description pour nos auditeurs d'un de vos travaux, œuvres, pour qu'on ait une idée. Je me suis jamais senti artiste producteur d'œuvres, en tout cas. Enfin, j'ai toujours eu un problème avec ça, mais c'est ce qui m'intéresse plus, c'est d'essayer de développer à la fois une pratique de documentation sur mes conditions de travail, c'est-à-dire sur les niveaux différents postes que j'occupe. Et aussi un travail d'action directe, parce que bon, c'est ma pratique politique. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, très concrètement? Et donc, c'est essayer de rendre compte, bon, déjà, de ce contexte-là, et d'essayer de rendre compte, ça veut dire par des objets. Et là, du coup, moi, l'objet, je le prends comme un outil tactique, c'est-à-dire c'est ce qui m'intéresse dans cet objet-là, c'est ce qu'il met en jeu au niveau de la tactique. C'est-à-dire comment est-ce qu'il a été produit et je mets aucune aura dessus. Enfin, c'est juste un prétexte à discuter du contexte de travail. Dématérialisation. Par contre, un livre de vérification, mais qui n'est pas pour autant de dématérialisation. Alors, mais cette pratique-là, moi, c'est une ingérence que je fais aussi dans le monde du travail, parce que c'est une pratique qui est évidemment très courante. Et Jean-Claude Moineau, quand je lui ai montré des vidéos un peu de ce que je faisais sur mon lieu de travail, m'a amené justement sur la pratique de la perruque, qui a été développée par Michel de Certeau, théorisée par Michel de Certeau, mais qui était une pratique ouvrière liée au monde industriel et qui met en jeu donc excuse-moi, cette pratique de la perruque, est-ce que tu pourrais la pratique de la perruque, c'est le détournement de l'outil de production sur son lieu de travail pendant son temps de travail et le détournement de la matière, mais à des fins personnelles et à des fins qui échappent à la production dite réglementaire dans l'entreprise. Et donc c'est une pratique donc qui est liée au mouvement ouvrier. Et là, du coup, pour tenter de désactiver, parce que là aussi c'est un échec, mais tenter de désactiver l'aura qu'il peut y avoir sur l'objet, j'ai essayé de faire par exemple une bourse de travail parallèle. Et l'idée c'était effectivement de poursuivre cette pratique-là en dehors du monde du travail. Mm-hmm. Parce que dans cette pratique-là, c'est aussi un échange par rapport au poste. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans l'entreprise, qui a un poste clé pour produire un objet, va échanger avec une autre personne qui sera un autre poste clé pour produire un autre objet. Et donc, du coup, c'est un système d'échange. Mmh. C'est un système d'échange qui est fait de façon spontanée dans l'entreprise. Et si on peut pas échanger par rapport au poste qu'on occupe, ça va être échangé contre une bouteille de vin, ça va être échangé contre un pinard, mais il y a très peu de, ou alors ça devient du travail au noir. Et là, bon, effectivement, il y a un aspect financier qui rentre en compte, mais sinon c'est un système d'échange. Donc c'était poursuivre ce système d'échange, le déplacer en dehors du monde de l'entreprise, mais que chacun apporte chacun apporte des objets qui ont été produits ou volés sur le lieu du travail, et c'était un prétexte à discuter des conditions de travail. Mais je suis bien conscient du fait que toute spéculation est possible, au contraire, même sur ces objets-là, parce que c'est un objet qui sort en plus de la production réglementaire, donc du coup qui a potentiellement la possibilité de prendre une plus-value. Bah, comme ce que fait Jean-Luc Moulin aujourd'hui des objets de grève. Voilà, c'est ça. Donc, ça, j'en suis tout à fait conscient. Mais ensuite, vraiment, encore une fois, pour moi, cet objet-là, il n'a de valeur que par l'histoire qu'il raconte et par parce que ce qu'on peut en raconter. Donc, effectivement, bon, je suis prêt à brûler tout derrière moi. Je ne suis pas sûr que... Enfin, de toute manière, on s'intéresse particulièrement à ça. D'accord. Alors, en quelques mots, puisqu'il en était question et Lucie a demandé à ce que vous nous expliquiez, ou au moins que vous en parliez. Target Autonopop, hein, ou donc en tant que collectif, ou même particulièrement en tant qu'artiste, Michel et Jérôme, vous pouvez nous décrire un petit peu votre travail ou vos actions? J'ai fait un peu une introduction au début de l'émission sur ce qu'était Target Autonopop, mais peut-être je peux parler en vitesse du projet du magasin par exemple, qui s'appelle Unlimited Liability, où participe Yann et Jérôme, en théorie. conceptuellement. Unlimited Liability, c'est aussi à Raël qui avait participé à cela. Un peu la différence de Yann qui a travaillé avec un processus d'échange, j'ai quand même développé un dispositif où il y a l'utilisation d'argent, mais j'essaye de désactiver, au fait de désactiver le rôle, en anglais on dit use value, la valeur usage que l'œuvre d'art réellement a dans la société capitaliste. C'était une œuvre, son rôle d'investissement, pas pour n'importe qui, mais pour les classes dominantes, pour les fractions dominantes. Et ceci je fais en ayant développé un contrat qui a valeur légale en Allemagne, selon lequel aucune personne qui a plus de 50 000 euros ne peut acheter quelque chose dans mon magasin. D'accord. Donc j'ai invité presque une centaine de collectifs, des artistes mais aussi des maisons d'édition, des disquaires, à proposer des multiples qui coûtent tous moins de 30 euros ou qui sont gratuites. Et donc voilà, c'est un projet. Ça c'est un projet qui vient juste de terminer la semaine dernière. D'accord. So I just say really quickly, I just mentioned the shop project. Yeah, okay. D'accord. Donc on va en venir. Il nous reste un tout petit peu plus d'une demi-heure. On peut aussi déborder, il me semble, hein, puisque la prochaine émission, ça booste sur les pavés, commence normalement à 22h30. Donc si pour vous c'est bon, on peut un petit peu déborder sur l'horaire que l'on avait prévu. Donc revenir au thème de l'émission, qui est la réhabilitation de la critique. Donc est-ce que j'aurais pu déjà, dire toujours avant Yann, Simon on était trop vite, enfin il y a plein de choses qui auraient dû être dites, mais au moins simplement la question qui se pose effectivement, notamment par rapport à Yann, c'est est-ce qu'il est possible effectivement d'arriver à échapper réellement effectivement à la réification, ou est-ce que cette tentative d'échapper à la réification est vouée forcément à l'échec? Quand Michel Gauthier dit que Tino Segal échappe à la réification, à mon avis, non. Enfin, on n'a pas le temps ici d'expliquer ce que fait Tino Segal et ce que fait Yann est plus intéressant. Mais le problème, c'est donc l'idée de Michel Gauthier, c'est qu'à la limite, on ne pourrait pas y échapper. Et d'où à ce moment-là, il oppose à ça certains artistes et qui, eux, en prennent leur parti et qui finalement, au contraire, réussissent au maximum. Comme John Armleider, etc., et autres, ou toute la mouvance qui s'est inscrite dans le sillage de John Armleider. Pour moi, l'un des principaux problèmes aujourd'hui, à partir de cette question historiquement posée, l'intervention des interventions que j'ai un peu transformée en question de tentative d'échapperification, c'est de savoir si, effectivement, il est possible, effectivement, même si jusqu'ici, la plupart des tentatives d'échapperification se sont soldées, il aura fallu pouvoir avoir le temps de le développer davantage, ce sont sur le départ un échec, s'il est quand même possible d'arriver effectivement à y échapper, ou si à ce moment-là, il ne ferait pas, comme le font certains artistes, en prendre son parti, ou alors, autre solution encore, c'est est-ce que on ne peut pas y échapper, réellement, mais que c'est un peu comme par rapport à la question de la transcendance, même si la question a été très mal posée par l'exposition sur le Tragédie sacrée à Beaubourg qui a eu récemment, c'est est-ce que, ce qui a pu être dit pour Mallarmé et d'autres auteurs, c'est est-ce que on doit, malgré tout en sachant, c'est comme pour, disons, la question de la transcendance, les artistes depuis plus d'un siècle savent très bien qu'il n'y a pas de transcendance, ou que la transcendance est vide, mais n'en cherchent pas moins malgré tout, pour donner un sens à leur vie, à leur travail, etc., une transcendance, même s'ils savent très bien, c'est la page blanche de l'armée, que cette transcendance est vide, est-ce que ça en serait pareil au niveau de l'art, est-ce que, tout en sachant très bien que finalement on n'échappe pas à la réification, tout le monde n'échappe pas dans le temps, parce que peut-être qu'on peut échapper à un moment donné, c'est comme le « Quand y a-t-il art ?» de Nelson Goodman, peut-être que la réification, c'est pas forcément en même temps, ça peut peut-être n'être qu'après coup. Enfin, c'est une question. Je peux travailler un peu, Jean-Claude. Pardon, j'ai l'impression que je vais simplement terminer la phrase. Du coup, j'ai perdu le fil de ma phrase. Vas-y. Ok, so I mean, Jean-Claude was just mentioning, kind of interesting to talk about with Jan's work, the issue of can one actually escape reification. There's a theorist that called Gautier, who also wrote a great length about this artist called Tino Zigal, and also believing that he did escape reification. Jean-Claude is not so sure of that. One of the issues that has to be addressed is also that there's the problem of transcendence, actually. Can artworks transcend? And pour en faire, je résume vraiment radicalement, très court. And so there's also this question of transcendence, which is involved also with this issue of trying to escape reification. Si je peux faire une petite parenthèse, bien sûr, oui. A little parenthesis, j'ai écrit un très long article sur Tino Zegal, où en tant que mon approche d'art tournopop, je l'ai démonté totalement, oui, avec toutes ses prétentions de créer une œuvre. Dis-moi ce qu'il fait, Zegal. Alors Tino Zegal, il a développé, au fait, il fait de la chorégraphie. Il écrit des pièces chorégraphiques qui sont présentées dans des musées. Et sa petite innovation par rapport à Lawrence Weiner, c'est que quand il vend ses pièces chorégraphiques, il n'y a pas de contrat. Mais il profite d'une décision qu'a fait le Supreme Court américain, en 85, qu'un contrat oral a la même valeur qu'un contrat écrit. Mmh. Donc, c'est vendu par le galeriste au collectionneur avec un témoin. Et donc, Tino Zegal, à cause de ce petit détail, prétend qu'il est plus immatériel que Lawrence Weiner. Mais au fait, c'est tout du pipapo, parce qu'au fait, il y a des cartons d'invitation. Il y a aussi la chorégraphie qui est écrite sur une feuille de papier. Il ne veut pas laisser de traces. Donc, parfois, la question de traces, on n'a pas abordé. Mais là, forcément, il n'y en a pas. Il refuse. Il n'y a pas de photos. Il refuse qu'il y ait des photos de prise, qu'il y ait des comptes rendus de fait, qu'il y ait des vidéos de fête, etc. Donc, il refuse qu'il y ait aussi des vestiges de ses performances, de ses chorégraphies. On ne laisse pas. Donc, a priori, il refuse, effectivement. Mais les traces dont a malheureusement trop vite parlé Yann tout à l'heure, que j'aurais voulu qu'il développe, il refuse, mais il n'en a pas moins que, contrairement à Sylvie Gautier, je suis d'accord avec ce que vient de dire Michel, il y a toujours complètement réification, effectivement, en plein. Parce qu'il y a toujours réification, les danseurs même, sont matériels, et il y a marchandisation totale c'est de l'œuvre. On peut plus dans le marché de l'art, toujours. But finally, the question really isn't how to materialize. De Beaubourg, Mont-Saint. Oui, Lucie. Well, I mean, finally, the question isn't really how dematerialized you can get, because this is getting kind of crazy. I mean, it's like, you know, is that dematerialized enough? Comment est-ce qu'on peut, à quel point on peut devenir dématérialisé? Est-ce que ça devient un soufflant, un blow? Mine is bigger than yours, or mine is less than yours, or whatever. C'est pas dématérialisé du tout. But so to get back to what is the most effective critique? I mean, so what is, it's not necessarily dematerialization or de-reification or whatever. Let's get back to how they work, function. Oui, la question, c'est la critique et de voir comment les choses fonctionnent. Tout à fait. Pour revenir. Et moi, il y a une question qui me préoccupe, c'est de savoir si une critique du monde de l'art qui émerge de l'intérieur du monde de l'art est possible. C'est-à-dire, je me demande si effectivement, moi, ma démarche en me salariant, qu'il me semble plus facile de mordre une main qui ne me nourrit pas, quoi. Enfin, Simone de Beauvoir, par exemple, lançait un appel aux femmes. C'est le travail qui peut seul leur garantir une liberté concrète. Yann was saying it's sort of a question for him: is it possible to have a critique of the world of art coming, however, from within the world of art? And it's easier to bite a hand which is not feeding you. Yes, I write. That's one of my essays. Exactly. Et donc, ce serait paradoxalement en salariant que les femmes ont pu conquérir leur indépendance financière vis-à-vis des hommes. Et moi, c'est aussi, enfin, ce qui me fait me salarier aussi, c'est, enfin, parce que j'ai besoin de bouffer et que j'ai pas forcément envie que mon art passe j'ai pas envie, enfin, mon art, il est pas à vendre, quoi. Et donc. So I have an activity as an employee, and actually that's what feeds me, and my art is not for sale. Et Marx disait a dit une chose qui est la première liberté de la presse et donc on pourrait dire ou de l'art est celle de ne pas être un métier moi ça me semble assez and Marx said the first freedom of the press is that it's not a profession. Yes. Well, Meryl Lederman Euclides, years ago, she in the 60s she was an artist making sculpture. She had children. She had no time to do anything with the sculpture. She was very frustrated, so she decided to make what she was doing her art. So she called it maintenance art. Mm-hmm. So taking a child's snowsuit off, putting a child's snowsuit on, diapers, dishes, you know, household work was maintenance art, and that was her art. She said, all right, this is my art now. So just look at that as art. And then she moved out, as we all know. She moved out and out and out. She worked with maintenance workers in large office buildings. She worked for the sanitation department in New York City, and she's made solid waste, basically, her field. Alors, Meryl Euclides, c'est un cas très intéressant parce que c'était une femme qui avant faisait de la sculpture et puis elle est devenue femme de ménage, au fait. Elle avait des enfants. Et puis elle a dit, bah, moi, au fait, je vais faire ce que je fais, je vais faire ça de l'art. Et donc, elle a écrit le mot maintenance art, l'art du maintenance. Sa grande question is who is going to take out the garbage the morning after the revolution? Ah oui, sa question est qui va sortir les ordures le jour après la révolution? Et c'est intéressant parce qu'elle a fait des travaux en collaboration avec le service de sanitation sanitaire de la ville de New York. She cleaned museums and so on. Elle a nettoyé des musées aussi. She shook hands with all the members. Every single one. Elle a serré la main avec chaque membre du 8000 chaque éboueur de la ville de New York. 8000. Elle a serré la main avec chacun. Nobody else wanted to touch them. Non, ça, parce que personne d'autre voulait les toucher. And she said, whose garbage is it? elle a demandé, et les ordures, en fait, c'est les ordures à qui? Pour en revenir à la critique, ou Yann, vous vouliez... Non. Je voulais ajouter tout à l'heure aussi, par rapport, avant d'en revenir à la critique, oui, Jean-Claude. Que malgré tout, depuis le 8e siècle, depuis la création des salons, l'art s'adresse pas seulement à des collectionneurs qui achètent, donc à principe on dit, mais aussi à un public qui, lui, a accès aux œuvres sans pourtant posséder les œuvres. Donc il a fallu quand même regarder cette question. Plus en détail, ce qu'on va pas malheureusement faire si on veut passer à la critique. C'est un peu esquissé dans mon projet de magasin. Oui, mais en tout cas, il y a des problèmes posés par rapport à ça, avec la disparition de l'espace critique dont parle Jean-Claude Habermas aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ça ? Même si finalement, ce qui est présenté par les musées ou par les collections publiques, si je puis dire, des musées, ça a été quand même acheté par l'intermédiaire du marché, de l'art aussi, donc c'est pas indépendant pour autant du marché, enfin, c'est des choses qui auraient dû être développées, je pensais avoir le temps de développer. Jean-Claude would like to develop a few themes, for example, I mean, there has been a public other than just the collectors since the salon, but there is a special relationship with the people who collect the artworks, and also museums work in tight a relationship with the market. Et donc, sur ce plan, justement, l'art préfigure, c'est ce que beaucoup d'auteurs disent aujourd'hui, c'est que l'art, loin d'être sur le plan économique à la traîne du capitalisme, l'art, après, il a été un laboratoire, comme dit Michel, du capitalisme en plein. Donc l'art préfigure sur ce plan-là, dès le 8e siècle, ce que Rifkin appelle l'âge de l'accès, pour rendre compte, plus ou moins correctement, de l'économie d'aujourd'hui. De même que, tout à l'heure, Yann a parlé de la notion de service, mais là encore trop rapidement, qu'il a encore, Marx, justement, eh bien, considéré, justement, effectivement, aussi l'artiste comme un prestataire de service. Donc, bien avant qu'on passe à la société postmoderne, caractérisée, justement, par les services, par opposition à la production industrielle. Donc, il y aurait des tas de choses comme ça qui auraient dû être développées. Enfin, Yann en parlait hyper rapidement, ouvrir une phrase, mais tout ça aurait demandé d'être développé. Oui. Et le temps nous est compté. Art is not only reflecting capitalism, but is actually, as I said, a laboratory for capitalism, is prefiguring it. And so there are a lot of issues we would have discussed. Yes. Already Marx in the 19th century described the artist as a service provider. Mais ne pas vendre son art, ça veut dire, enfin, me semble-t-il, épouser la condition salariale. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'alternative, ou alors devenir, je sais pas. Comme l'exemple de Marx, du service, c'était le marchandum. L'art est plus pour Marx comparable à un majordome qu'un prolétaire. Bon, on va faire une toute petite pause pour reprendre ce débat. N'hésitez pas à nous appeler au 01 43 71 89 40. Vous êtes sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, et oui, il y a de l'ambiance autour du plateau. Pour cette émission spéciale, pour une réhabilitation de la critique dans le monde de l'art, avec Lucy Lippart, donc, qui est critique d'art féministe, qui nous vient des États-Unis, Jean-Claude Moineau, théoricien de l'art, Deux membres du collectif Target Autonopop, qui viennent d'Allemagne et de France également, avec Michel Chevalier et Jérôme Guille et Yann. Et on avait un débat là hors antenne, mais pour moi c'est assez essentiel. C'est doit-on vivre de son art? Et moi je pense que non. Enfin, je pense que il n'y a pas de raison de se désolidariser d'autres conditions salariales ou de travail sous prétexte qu'on est artiste. Je pense que la position critique quand on est artiste et qu'on vit de son art, elle est beaucoup plus difficile de se solidariser avec la condition salariale. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais on voit, il y a quelque chose en plus qui est le fait que ça nourrit l'art, que l'art a besoin de se nourrir d'autres choses que de l'art. L'art ne doit pas rester en milieu fermé, en cercle fermé. Et ça, c'est la mort assurée de l'art. Et ce qui enrichit, ce qui nourrit ton art à toi, Yann, c'est aussi le fait du travail. Sinon, tout s'écoulerait. Je pense que c'est fondamental, même pour l'art lui-même, que l'art, que l'artiste ne soit pas que artiste. Mais c'est pas seulement un problème de solidarité, Michel. Ce dont tu as parlé qui est juste, mais pour moi il y a un problème plus important encore qui est le fait même de la qualité du travail. Oui, voilà. Justement, un problème, c'est la division du travail telle qu'elle a lieu dans la société capitaliste, the division of labor and capital size, the problem. Et moi, dans une société non capitaliste, ce serait mon espoir qu'il n'y ait personne du tout qui est artiste à plein temps. Le modèle de quelqu'un un peu à la Thomas Struff, qui est dans son atelier à Düsseldorf, qui réfléchit quelle sera la prochaine photo que je vais faire pendant qu'il a 10 assistants qui courent autour de lui et qui ne fait que ça, c'est absurde. Donc, bien sûr, il faut avoir des complexes de travail balancés ou des mélanges. Ça, c'est les économes américains Michael Albert et Robin Hanno qui ont dit qu'il faut avoir que chacun ait un mélange de travail qui fait du empowering, qui est autonomisant, et aussi du travail onéreux. Et que cette mélange soit équitable pour tout le monde. D'accord. Et le travail d'artiste, bien sûr, est très empowering. Et voilà. Ed Reinhardt, who was a great critic of the art world, who made abstract black paintings, I mean, objects very much so, but he hated the art world, and he felt that the government should support the arts rather than having competition in the market. I mean, which is not my position particularly, but I thought it was an interesting one, because he felt that the galleries and the market were a terrible place for artists to have to even deal with at all, and art was so pure that it should at least be supported by the government. So that's just something to throw into it, because that is a kind of interesting way of looking at. I mean, if artists don't earn their if artists have to work for a living and don't earn anything off art, you know, they have to do what Jan is doing in a sense, because usually it's hard to earn. I mean, I've lived with artists who worked for livings, and they don't get a lot of art done, because it's exhausting to work full time at something else, and your art becomes your vocation, your avocation rather than your vocation. And so in a sense, what Jan does is very logical, is because if you don't want to be in the art world, then you work for a living and you make your working for the living your art. That's one way of escaping. I mean, of course. I'm always talking about escape attempts, that I noticed Jean-Claude talked about échapper. And it's a matter of all of us sitting inside this cage and trying to escape. But once we get out of the art world, we're still in a capitalist society. So my question has always been, is it possible to make anti-capitalist art that's effective at all within a prison that is capitalism? I'd love to think it was. I mean, you can do a critique, but can you be effective? Est-ce que je traduis ça en français? Oui, tout à fait. Oui. Alors bon, Lucie disait qu'au fait, elle a parlé de Ed Reinhardt pour regarder un peu d'une autre perspective, qui lui faisait monochrome noir et qui était plutôt en faveur que le gouvernement doit soutenir la production artistique, qui devrait pas du tout être dans le système du marché, parce que ça crée juste de la concurrence entre les artistes. Et bon, elle, Lucie pense aux artistes qu'elle connaît qui avaient des emplois de salariés et qu'au fait, quand on est dans cette situation, on n'a pas beaucoup de temps de faire de l'art. Peu, oui. Donc, dans un sens, c'est logique ce que Yann fait de, pendant qu'il est en train de salarié, être dans une activité de salarié, de faire ça aussi le point de départ de son art. Mais la question pour Lucie qui serait très fondamentale, c'est est-ce qu'il serait possible d'avoir un art anticapitaliste qui en effet qui n'est pas juste de la critique comme on en parlait plus tôt qui est plutôt décorative mais qui a vraiment un effet. D'accord. Bon, alors dans le thème pour une réhabilitation de la critique dans le monde de l'art, ça sous-entend qu'il n'y a plus de critique ou du moins qu'elle est dévoyée. Donc la réhabilitation, vous l'entendez comment les uns et les autres ? C'est pas tant qu'il n'y a plus de critique, c'est que la critique est critiquée, la critique est très fortement critiquée aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire, depuis quelques années, il y a l'art critique est quelque chose d'extrêmement critiqué. Et à ça, donc, on aboutit, comme l'exposition de Pierre Huyghe, avec une sorte de célébration, qui a été reprise à Jeff Koons, et qui a repris Pierre Huyghe pour ses expositions. Donc, en disant, donc, il y a des tas de critiques qu'on peut reprendre en détail, mais je ne sais pas si on va avoir le temps, qui ont été faites, effectivement, à l'art critique. En disant notamment que l'art critique, finalement, ne faisait pas grand chose, n'agissait pas réellement sur la société, n'avait pas caractère performatif, pour utiliser un terme plus savant, et qui est dû à Austin. Et donc, l'idée que je ne partage pas, bien sûr, qui est celle qui a été développée à propos notamment de Pierre Huyghe, ou des travaux récents de Pierre Huyghe, qui justement a abandonné l'art critique pour cet art célébratif, c'est que la célébration contraire de la suite telle qu'elle est, etc., au contraire, permettrait à l'artiste davantage d'avoir une action dans la société. Bon, c'est la position aux antipodes de la mienne, mais c'est une position qui a largement cours aujourd'hui, et donc, c'est ça en tout cas que j'entends par la crise aujourd'hui de l'art critique. D'accord, Michel. En parallèle aux travaux que Jean-Claude et l'analyse qu'il fait, aussi Julian Salabras, un historien de l'art anglais qui a fait justement une très bonne analyse de la situation en Angleterre avec des chapitres, avec des titres comme The Decline and Fall of Art Criticism et un autre chapitre qui s'appelle Dumb and Dumber. Où justement il parle de l'aversion totale à la critique et au fait que les artistes du Young British Art comme Damien Hirst étaient une réaction contre l'art socialement engagé anglais des années 80. Et Jeff Koons. Jeff Koons, engagé et art critique, c'est pas la même chose pour moi. Oui. Non, mais j'ai dit ce mot. La diversité des positions qui étaient en Angleterre dans les années 70 a été catégoriquement rejetée, balayée. Bien sûr, ça vous le faites très bien. Art engagé, tout ça, c'est des choses différentes qu'il faudrait bien distinguer les unes des autres. Pour moi, la restauration de la critique, elle ne peut fonctionner qu'à partir d'un positionnement extérieur au monde de l'art. Et radicalement extérieur au monde de l'art et que en fait je pense que c'est un déplacement des contraintes, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un déplacement des contraintes qui sont imposées dans le monde de l'art, mais qui a un choix des artistes à déplacer leurs contraintes et ne plus se positionner par rapport aux contraintes du monde de l'art. En tout cas, ce que je voulais simplement ajouter, ce que j'avais dit, c'était le fait qu'il y a un parallèle à faire, justement, entre ce qu'on a dit dans la première partie, qui a duré un peu longtemps d'émission, et puis ce qu'on dit maintenant, c'est entre est-ce qu'on peut effectivement arriver à réellement échapper à la réification, comme est-ce qu'on peut réellement faire un art critique. Les deux, pour moi, il y a vraiment un parallèle entre les deux, avec donc certains auteurs, beaucoup d'auteurs qui disent finalement l'art politique, ça marche pas, l'art critique, ça marche pas, etc. Donc c'est un peu la même question, ces deux questions parallèles qui sont en rapport l'une avec l'autre. Est-ce qu'on peut échapper à la réification réellement, et en même temps, est-ce qu'on peut réellement faire un art critique opératif? Ces deux questions, pour moi, sont totalement liées. Et c'est pour ça que, pour moi, ce que j'ai dit dans l'émission, c'est que parler des deux à la fois, parce que pour moi, les deux choses sont totalement liées, elles ne font qu'une, en fait. Juste en oui, brièvement, Yann disait que c'est important d'avoir une position qui est radicalement hors du monde de l'art. C'est là où on mordra le mieux la main. Hein. Voilà. Et en même temps, moi, je veux juste un peu mettre l'accent sur le fait qu'il ne faut pas tourner le dos au monde de l'art, au fait que c'est intéressant en tant qu'artiste ou en tant que personne qui a une certaine formation, une connaissance de l'art, de regarder ce qui se passe dans le monde de l'art, justement pour servir de point d'attaque contre le capitalisme. Et donc le monde de l'art, to know what goes on outside. I mean, that's, yes, yes. But my point is that it's not irrelevant, or it's what's happening in the world of art is not such a small little trivial detail that can be that doesn't need to be taken care of because there's the arms race and the other things. It's going to be better. Que ce qui se passe dans le monde de l'art, c'est pas un petit détail trivial, et au fait, il faut se préoccuper de l'OTAN et des autres grandes questions, mais qu'au fait, il y a quelque chose, des choses très importantes et intéressantes idéologiquement qui se passent dans le monde de l'art. Le monde de l'art n'est pas étanche. C'est justement quand j'ai dit le monde, je veux dire le marché, je veux dire l'art du marché. Le monde de l'art, ça a comme un sens plus précis que le marché. Et c'est mon point, c'est de ne pas ignorer ce qui se passe dans le marché, mais justement de prendre le marché comme matériau pour décomposer et aussi pour Mais je suis pas tout à fait d'accord avec Yann, c'est qu'il fait une dichotomie trop forte entre le monde, entre ce qui est l'intérieur et l'extérieur. Pour moi, cette dichotomie aujourd'hui, elle est plus elle n'existe plus vraiment. Il n'y a pas vraiment l'intérieur et l'extérieur. Le monde de l'art, il se prolonge en dehors du monde de l'art, comme les institutions artistiques se prolongent en dehors des institutions artistiques, et ainsi en dehors des institutions. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas rester une position trop dichotomique entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. Lucy, you wanted to say something. But at the same time, what you're doing would be very good for the inside of the art world to know what you're doing, and that for me is always a problem, because these isolated instances of people doing wonderful things, which I don't know about, you know, I want to know about them, and I want other artists to know about them, so that you can also be an influence on people who are floundering around in the art world and have no idea where to go and how to do, and to be able to, that's my role in a sense, to say, here are these models. And that has to be communicated somehow, and it's probably going to be communicated within the world of art. I mean, when it comes down to it, nobody else is going to be interested in what I have to say about what you're doing. Mais Jean-Claude, je traduis juste en vitesse. Justement, Lucie disait que ce que Yann fait, ce serait justement intéressant que ça soit communiqué, que ça soit su aussi dans le monde de l'art. Parce que bon, ce qu'elle voit, qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se passent partout, mais que au fait, il y a pas assez d'informations là-dessus, et que justement ces informations sur ces initiatives pourraient être très intéressantes pour des gens qui sont un peu déboussolés dans une pratique artistique. Mais l'information risque toujours, c'est l'histoire de la trace dont parlait Yann tout à l'heure, elle est toujours aussi justement d'être marchandisée, une récupération finalement. Oui. Je suis vraiment très réticent. Mais juste pour la question de l'attaque de l'extérieur pour le monde de l'art. J'ai fait, tu le sais, ma maîtrise avec toi, c'était positionnement et repositionnement, oui, je sais bien. Tactique. Positionnement et repositionnement. Et je pense effectivement qu'il faut, il ne faut s'interdire aucune action si c'est évidemment pour rentrer dans un fonctionnement critique du monde de l'art, et si c'est pour attaquer le monde de l'art dans ce qu'il a de plus marchand et de plus. C'est bon, ce que tu avais dit tout à l'heure, Oui. Mais il ne faut pas oublier le repositionnement, c'est-à-dire que quand on est à l'intérieur, c'est très difficile de se repositionner. La re-territorialisation. Voilà. We can't be so afraid to do anything that because of it might be ended up in the art market. You know, I mean, we have to keep acting anyway. Les lumières sont très attractives du monde de l'art, donc c'est très difficile de se repositionner. Donc il faut. That's why I think it's interesting to try to set up like a firewall to the art market. You know, and how could this be possible? Yeah, I mean, the firewall has to be in here, and the communication has to be out here. Yeah. So. But that's the idea that there's a problem of education on the one hand, and I think one thing, I mean, Jean-Claude criticized Pierre Bourdieu a lot, but Bourdieu has written a very good critique of voluntarism, analyzing how things can actually happen, which have some kind of a durable effect. And he does a good critique of voluntarism, saying it's necessary actually that there'd be a sphere that be instituted where there are certain new forms of behavior which then are adhered to and act that do create some pressure. Also, Gramsci talks about the positive aspect of actually conformity. He said conformity is not bad. When conformity is adaption to being adapted to the times, it's good. Tu peux traduire? Donc, oui. Voilà, je ne rappelle pas totalement ce que j'ai dit. Non, mais j'avais dit, ce qui est intéressant, c'est de créer un firewall au marché de l'art, de voir comment ça serait possible. C'est un pare-feu. Et que, hein. Oui, voilà. Et qu'au fait, Jean-Claude, bon, vous avez critiqué un peu Pierre Bourdieu. Mais aussi les critiques à faire. Mais ce qui est à tout le monde. Oui, une chose de Bourdieu qui est très intéressante, c'est la critique qu'il fait du volontarisme. Et justement, dans les règles de l'art, dans ce livre, il dit que comment les volontés individuelles sont trop susceptibles à la séduction et à la cooptation. Et qu'il est intéressant dans l'histoire, dans l'art du 19e siècle, c'est qu'il y ait une nouvelle sphère se soit développée avec ses propres lois et donc où il y a quand même une certaine pression. Gramsci, par exemple, parle du conformisme comme étant une chose positive aussi. Gramsci se moque des gens qui disent « je suis contre le conformisme », de dire que le conformisme, c'est aussi simplement d'être adapté au temps. Mais pour Dieu, n'est pas Gramsci. Oui, pas à 100%, mais il y a des gens qui ont théorisé les rapports entre... Oui, bien sûr, mais... Michel, vous nous avez, vous pourriez nous dire deux mots justement de cette réhabilitation de la critique, parce que tout le monde est plus ou moins intervenu. Ben, au fait, moi, je fais juste le point sur ce qui se passe actuellement. Je connais les écrits de Jean-Claude Moineau, je connais les écrits de Julian Stalabras. Il y a eu des écrits récemment en Allemagne par rapport à des institutions comme le Artist Pension Trust à Hambourg, d'où je viens. Il y a beaucoup de remous récemment, par exemple avec des artistes qui ont pris le contrôle très brièvement du centre d'art de Hambourg, mais ensuite ont été rébiffrés par les galeristes et les collectionneurs. Donc je vois qu'il y a des choses qui se passe. Au fait, c'est une des idées que c'est parce que au fait, le marché est en train de se discréditer lui-même, même pour ses propres protagonistes, comme a dit Raël l'autre jour. I was just saying that she asked me about the critique, this rehabilitation of critique, and I'm saying, I'm just referring to what's happening, what I see. We have this book of Jean-Claude, we have the books of Julian Stalabras, something's going on in Germany, we have the art center, the Hamburg Art Center was temporarily taken over again by artists before they were thrown out by collectors and gallerists. And the art world has just become completely absurd, even to people who are... within it. Donc, il y a une prise de conscience. Avec la crise actuelle, l'art est une valeur refuge en ce moment. Oui, en plus. L'art ne s'est jamais aussi bien porté. L'art se porte extrêmement bien. Absolument. Valeur refuge. Ah, oui, absolument. Alors, une prise de conscience, justement, de cette nécessité d'une critique plus objective de l'art ou puisque Michel, vous nous parliez de différentes actions à Hambourg, en Allemagne, du livre de Stalabras, enfin bon. Donc une prise de conscience ou c'est récent ou finalement c'est la continuité par rapport à la critique. À mon avis, le problème surtout, enfin, pardon. Oui, Jean-Claude. La première chose qu'il faut répondre à l'écrit, que le problème, ce qui n'existait pas à l'époque, aux époques antérieures, c'est qu'il n'y a pas cette critique de la critique aujourd'hui, une critique de la critique à laquelle il faut répondre. Bon, c'est ça qui modifie complètement la donne. Alors, par exemple, ça dit ça très bien. Il y a un passage dans ce livre où il prend un discours d'un artiste qui au fait un discours totalement anti-intellectualiste. Il pose une nouvelle norme de comportement cool qui est super anti-intellectualiste. Et Stalabras dit, as we can see in this statement, the attitude is not only a repudiation of arcane jargon, the language that excludes the majority, alors il y a un genre de pseudo-populisme, but also a suspicion of whole categories of knowledge, a suspicion of the process of acquiring learning, and even a suspicion of sustained thought itself. Donc il dit dans ce passage de cet artiste qui est dans une grande revue d'art et qui est loué comme quelque chose de très important, on voit une répudiation non seulement d'un langage académique avec un tournant un peu pseudo-populiste, mais un soupçon contre simplement les catégories de la connaissance, mm-hmm. du processus de acquérir la connaissance, et même une répudiation de l'idée d'avoir une pensée soutenue. Mm-hmm. Et ça, c'était un peu le thème de Raël mercredi. Elle avait parlé un peu justement de la problématique de la pensée, que la pensée requiert le temps. Et dans la société actuelle, c'est ça qui nous est enlevé systématiquement. Systématiquement. Très bien. Je vous propose de conclure cette émission. On va faire un dernier tour de table. Une conclusion, les uns et les autres. On va commencer par Jean-Claude. Lucie. No. Do you have something to say? C'est chez moi. D'accord. La conclusion, j'ai déjà un peu donné en disant pour moi, il y avait vraiment un rapport étroit à faire entre le problème de savoir si on peut ou non et comment échapper aujourd'hui à la réification, si l'art peut échapper à la réification et si l'art effectivement peut arriver effectivement à mener effectivement avoir effectivement un caractère authentiquement critique et performant. Je crois que les deux choses sont, parce que j'ai dit les deux choses pour moi sont liées. Pour moi, c'est ça vraiment ce qui est essentiel, ce qui pour moi relie complètement tout ce qu'on a dit ce soir. Même s'il y a plein de choses qu'il a fallu développer. Une autre émission. C'est relativement long, mais il va falloir avoir une série d'émissions. Eh bien, le mot de la fin, ça sera pour vous, Michel, non ? Je vous remercie tous les auditeurs pour cette fédération Michel et Radio Libertaire, surtout. Alors, il faut quand même signaler Yann, Nathalie. Oui. Et l'animatrice. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Je veux quand même signaler que vous venez de Hambourg et que le hasard fait bien les choses. Nous sommes depuis quelques semaines en relation avec la radio FSK, mais par un autre biais. Oui. Et que cette émission va être rediffusée sur FSK d'ici quelques temps. En novembre, le 24 novembre. Voilà, donc nous disons bonjour aux auditeurs allemands et nous espérons qu'ils apprécieront cette émission qui s'achève maintenant. Donc voilà, vous êtes sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sur 89.4. Et nous recevions ce soir Lucie Lippard, bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude Moineau, bonsoir. Bonsoir. Et donc, le collectif Target, Auto, nos pop, avec Raël Puffert qui nous a quittés, qui était là en début d'émission, qui nous a quittés pour prendre son train. Michel Chevalier, donc bonsoir, merci encore. Et Jérôme Guigue, bonsoir, qui est à la Générale à Sèvres, c'est ça, en résidence. Hein, en résidence ou en atelier? Tout le monde est en résidence. Tout le monde est en résidence, d'accord, très bien. Et puis Yann Middelbos-Mitric, merci, bonsoir. Bonsoir et vive la sociale. Eh bien oui, oui. Et merci Valentin de nous avoir accompagnés. Merci à Denis qui était à la technique ce soir. Eh bien, nous vous souhaitons une bonne fin de soirée sur Radio Libertaire. Thank you.